Luc chapitre 2. Or il arriva en ces jours-là, qu'un édit fut publié de la part de César Auguste, portant que tout le monde fut enregistré, et ce premier dénombrement fut fait lorsque Cyrénus avait le gouvernement de Syrie. Ainsi tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa ville. Et Joseph monta aussi de Galilée en Judée, savoir, de la ville de Nazareth, en la cité de David, appelée Bethléem, à cause qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui avait été fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, comme ils étaient là, que son terme pour accoucher fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or il y avait en ces quartiers-là des bergers, couchant aux champs, et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur survint vers eux, et la clarté du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera tel pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui dans la cité de David vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est ici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez, c'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté, et couché dans une crèche. » Et aussitôt avec l'ange il y eut une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant, « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur la terre, bonne volonté dans les hommes. » Et il arriva qu'après que les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, les bergers dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, et que le Seigneur nous a découverte. » Ils allèrent donc à grand hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans une crèche. Et quand ils l'eurent vu, ils divulguèrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les ouïrent, s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait soigneusement toutes ces choses, et les repassait dans son esprit. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes ces choses qu'ils avaient ouïes et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, alors son nom fut appelé Jésus, lequel avait été nommé par l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification de Marie furent accomplis selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle premier-né sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir l'oblation prescrite dans la loi du Seigneur, savoir, une paire de tourterelles, ou 2 pigeonneaux. Or voici, il y avait à Jérusalem un homme qui avait nom Siméon, et cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était en lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Lui donc, étant poussé par l'Esprit, vint au temple, et comme le père et la mère, portaient dans le temple le petit enfant Jésus, pour faire de lui selon l'usage de la loi. Il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit, « Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. La lumière pour éclairer les nations, et pour être la gloire de ton peuple d'Israël. » Et Joseph et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon le bénit, et dit à Marie, sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour être une occasion de chute et de relèvement de plusieurs en Israël, et pour être un signe auquel on contredira. Et même aussi une épée percera ta propre âme, afin que les pensées de plusieurs cœurs soient découvertes. » Il y avait aussi Anne la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azée, qui était déjà avancée en âge, et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Et veuve d'environ 84 ans, elle ne bougeait point du temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Elle, étant donc survenue en ce même moment, louait aussi le Seigneur, et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout, ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et le petit enfant croissait, et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem, à la fête de Pâques. Et quand il eut atteint l'âge de 12 ans, son père et sa mère étant montés à Jérusalem, selon la coutume de la fête, et s'en retournant après avoir accompli les jours de la fête, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent une journée, puis ils le cherchèrent entre leurs parents et ceux de leur connaissance. Et ne le trouvant point, ils s'en retournèrent à Jérusalem, en le cherchant. Or il arriva que 3 jours après ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient, s'étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils en furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici, ton père et moi te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux, et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles-là dans son cœur. Et Jésus s'avançait en sagesse, et en stature, et en grâce envers Dieu et envers les hommes.